océan. Quand je m'énerve, deux ou trois volcans, un petit déluge et un tremblement. Je ne peux pas dire que la vie m'est dure. Je vais pas te faire une gueule d'atmosphère. Je suis là, je suis la mère nature, j'en suis là. Je suis la terre mature, je suis bas. De bonne augure, c'est sûr, j'en suis là. De toute ta pourriture, j'ai bien envie de me couler un bain. Prends ta combi, ton masque et tu vas. Me donner la pilule, prends tes lunettes, ta casquette et ton pull. Des fois que je change d'avis, je prévois jamais toutes mes envies. Je suis là, je suis la mère nature, je suis là. Je suis la terre mature, je suis pas. De toute ta pourriture, j'aime trop la vie pour te laisser mourir. J'aime trop la mort pour te laisser sourire. Même si je te donnais celui-là, fais attention à celui qui va là. Je suis là, je suis la mère nature. Je suis la terre mature, je suis pas. De bonne augure, c'est sûr, j'en suis là. De toute ta pourriture, je suis là.